si tu devais partir, je resterai là sans te rappeler. Je ne pourrai pas pleurer, triste comme les blés, quand le vent les a quittés, comme la vague qui ne retient pas le voilier qui s'en va. Que pleure le vent pour moi, oh, qu'il me donne sa voix. Que la rivière pleure dans mes yeux, la fin de mon ciel bleu. Que pleure le vent pour moi, oh, qu'il me donne sa voix. Que la rivière pleure dans mes yeux, la fin de mon ciel bleu. Si tu dois revenir, oh, si tu dois revenir, je resterai là sans pouvoir marcher et comment raciner, tendre comme les blés que le vent a caressé, comme la vague qui vient se coucher au ventre du voilier. Que chante le vent pour moi, oh, qu'il me donne sa voix. Que la lumière coule à travers moi au ciel de notre joie. Que chante le vent pour moi, oh, qu'il me donne sa voix. La lumière coule à travers moi au ciel de notre joie. Si tu devais partir, oh, si tu devais partir, je resterais là sans te rappeler. Je ne pourrais pas pleurer. Si tu devais partir, oh, si tu devais partir, je resterai là sans te rappeler, je ne pourrais pas pleurer.